Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la maladie aurait-elle des vertus ? C'est dans la maladie que nous nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls, mais enchaînés à un être différent, dont des abîmes nous séparent, un être qui ne nous connaît pas et duquel il est impossible de nous faire comprendre, notre corps. Quelques brigands que nous rencontrions sur la route, peut-être pourrions-nous arriver à le rendre sensible à son intérêt personnel, sinon à notre malheur. Mais demander pitié à notre corps, c'est discourir devant une pieuvre, pour qui nos paroles ne peuvent avoir plus de sens que le bruit de l'eau, et avec laquelle nous serions épouvantés d'être condamnés à vivre. Ces phrases de Marcel Proust nous disent-elles quelque chose de vrai ? Notre corps est-il vraiment un être autre que nous-mêmes, un étranger qui peut se montrer monstrueux et hostile en cas de maladie ? Si oui, alors faut-il considérer que la souffrance physique est un fait brut qui n'a aucun sens, un fait brutal qu'on peut expliquer par des causes, mais qu'on ne peut pas justifier par des raisons ? Ou bien devons-nous penser qu'au contraire, la souffrance physique et la maladie auraient des vertus positives ? Qu'elles joueraient un rôle irremplaçable dans notre éducation ? Qu'elles seraient des sortes de défis enrichissants et révélateurs ? Des épreuves qui donneraient au patient l'avantage de mieux connaître la condition humaine à laquelle il appartient. En bref, à quelle philosophie la maladie nous invite-t-elle, de gré ou de force ? Pour discuter de ces questions, j'ai invité Ruven Augien, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et vous publiez « Mes mille et une nuits », la maladie comme drame et comme comédie. Alors, comme philosophe, vous êtes connu pour être partisan d'une éthique minimaliste, avec cette idée qu'on a de devoir rendre qu'à autrui et pas à soi-même, c'est-à-dire que on ne doit rien faire qui nuise à autrui intentionnellement, et avec soi-même on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Est-ce que je résume bien ? Oui. En fait, l'idée, c'est le point de départ, ce n'est pas la formule « il ne faut pas nuire intentionnellement à autrui », qui est une formule très classique que tout le monde pourrait endosser quand il réfléchit sur la morale. Mon point de départ, ça a plutôt été l'idée que nous n'avons pas de devoir moral envers soi-même, qui est une idée qui parcourt toute l'histoire de la philosophie morale depuis l'Antiquité. Cette idée que nous avons des devoirs envers nous-mêmes qui peuvent être des devoirs comme celui de ne pas nous suicider, et chez Kant, par exemple, de ne pas nous masturber non plus, et chez d'autres auteurs, de garder une certaine forme de dignité, de respect de soi-même. C'est d'ailleurs un des trésors des professeurs de philosophie d'insister sur le fait que les principaux devoirs sont les devoirs que nous avons à l'égard de nous-mêmes. Nous n'aurions pas de devoir à l'égard d'autrui si nous n'avions pas à notre propre égard. Or, c'est cette partie de l'histoire de la philosophie morale dont j'ai voulu me débarrasser. Je pense que, pour des raisons à la fois logiques et aussi éthiques, nous n'avons pas de devoirs moraux envers nous-mêmes. Ce serait un peu comme si nous faisions une promesse que nous pourrions nous débarrasser en même temps. Il y a quelque chose d'incohérent dans l'idée d'un devoir moral envers soi-même. À partir du moment où nous n'avons pas de devoirs envers nous-mêmes, nous en avons à l'égard des autres. Mais les devoirs à l'égard des autres peuvent être divisés en deux catégories. Les devoirs qui sont des devoirs négatifs, comme tu ne tueras pas, etc., qu'on peut appliquer absolument à tout le monde et à tout moment. On n'est pas des droits universels presque. On peut, d'une certaine façon, passer toute sa vie sans avoir tué personne. En ce qui concerne le devoir positif, c'est beaucoup plus difficile parce que nous avons des choix à faire. Même si nous sommes richissimes comme Bill Gates, on ne peut pas se permettre de donner à tout le monde la même quantité d'argent. Ça rappelle les débats que nous avons à l'heure actuelle pour l'élection du président. Le revenu universel. Et donc, il faut faire des choix. Or, ces choix ne sont pas nécessairement éthiques. Qu'est-ce qui va nous faire choisir telle ou telle personne pauvre plutôt qu'une autre ? Donc, ça introduit un élément d'impureté éthique dans les devoirs positifs qui font que je les ai retirés aussi. Donc, à partir du moment où on retire les devoirs moraux envers soi-même et les devoirs positifs envers les autres, il ne nous reste plus que les devoirs à l'égard des autres, les devoirs de ne pas leur faire du mal. Et du coup, il ne faut pas voir ça comme une affirmation première, mais simplement comme une déduction de deux autres vaches sacrées de la morale. Parce que pour certains, par exemple, le plus haut sommet de la morale, ce n'est pas de ne pas faire du mal, mais de faire du bien aux autres. Comment est-ce que cette thèse est accueillie par vos collègues philosophes? Ils la trouvent trop rétrécie par rapport à ce que la morale... Certainement, parce que en fait, ce sont pas les implications pratiques de cette thèse qu'ils ont tendance à récuser. Parce qu'en effet, si nous n'avons pas de devoir moral à garder nous-mêmes, nous pouvons tout faire de nos vies du moment que nous ne nuisons pas aux autres. Ce qui implique, par exemple, le droit de fumer du cannabis, le droit de rentrer dans n'importe quel contrat d'échange sexuel du moment que... Il y a consentement. Il y a un consentement entre les personnes, le droit aussi de jouer à des jeux d'argent, etc. Il y a toute une partie de la morale populaire qui est dégagée, si on peut dire, par ça. Après, il y a aussi la question philosophique elle-même qui est rarement abordée, ce que je regrette, c'est-à-dire la question de savoir si nous avons des devoirs moraux envers nous-mêmes et les problèmes logiques que ça pose. Ça, je dois dire que je suis moins souvent attaqué sur cette question-là que sur les implications pratiques de l'éthique minimale. Suis parfois étonné parce que, en fait, je crois que l'éthique minimale est une éthique qui vaut pour notre temps, pour nos sociétés démocratiques et pluralistes, et j'avais l'impression qu'elle serait, de ce point de vue, accueillie avec... Et c'est pas parce qu'elle est minimale qu'elle n'est pas exigeante, au contraire. Bien sûr, c'est très très difficile d'abord d'arriver à se débarrasser de cette idée que le sommet du bien n'est pas de faire le bien pour les autres, mais de ne pas leur faire de mal. Et puis aussi, il est très très difficile, au fond, de suivre ce principe de ne jamais nuire aux autres intentionnellement, parce que ça nous met toujours dans des dilemmes, au fond, et puis aussi parce que la phrase « ne pas nuire aux autres intentionnellement », elle exige des clarifications. C'est pas quelque chose de très facile à comprendre. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé en philosophie ruvenogien? Je me suis laissé dire que vous avez commencé par l'anthropologie et la bande dessinée. Oui, en fait, j'ai fait tout ça ensemble, et puis je dois dire que la bande dessinée, c'est ce qui me faisait vivre un moment. Le scénario, vous dessinez? Non, je dessinais plutôt, mais je faisais le scénario. C'est sur les histoires juives plutôt, je racontais un peu ce que c'est une vie de famille un peu juive orthodoxe, comme je l'étais à ce moment-là. Et puis, j'ai trouvé que j'étais pas assez bon. Et dans le dessin, ça se voit très très immédiatement, la puissance novatrice dans le dessin. Et quand j'envoyais des BD, ils étaient souvent refusés, alors que quand j'envoyais des textes de philosophie, c'était accepté. Je trouve que la philosophie, c'est plus facile finalement que la bande dessinée. L'anthropologie, c'était une sorte d'amour exotique qu'on peut avoir quand on finit son adolescence plus ou moins bien, et donc le désir aussi d'aller explorer des contrées lointaines, etc., ce que je n'ai jamais fait. Alors vous avez aussi écrit que si la philosophie n'était pas devenue en partie analytique, vous n'auriez pas suivi sa trace. Qu'est-ce qui vous plaît dans la philosophie analytique? Le fait qu'on mène des enquêtes, on fait des hypothèses un peu comme en science? Voilà, c'est le fait que du point de vue de la méthode comme du point de vue du contenu, d'ailleurs la philosophie analytique ne s'est jamais coupée de la science. Il est assez difficile de caractériser la différence entre ce qu'on appelle la philosophie analytique et la philosophie continentale. Il y a une question de style, par exemple la clarté, la simplicité, le désir de ne pas être hermétique, mais c'est pas suffisant. Des grands philosophes comme, je ne sais pas, Descartes, etc., ont écrit de façon claire, et c'est pas ce qui nous ferait classer comme analytique. L'attention portée au langage est plus intéressante, c'est-à-dire qu'on essaye de nous intéresser, de montrer que souvent ce qu'on appelle un problème philosophique, c'est une mauvaise utilisation du langage. Ça, on pourrait dire qu'on s'en rapproche. Mais il y a aussi beaucoup de travail sur l'étymologie, sur les mots, et ça suffirait peut-être pas à caractériser. Donc, un des moyens, ça serait de dire que du point de vue de la méthode, comme du point de vue du contenu, la philosophie analytique, contrairement à ce qu'on appelle la philosophie continentale, ne s'est jamais coupée de la science. Elle a voulu prendre comme modèle ce système d'hypothèses qui doit être infirmé ou plutôt falsifié quand c'est possible et en faire un des critères de la bonne philosophie. C'est-à-dire que les propositions que nous faisons, c'est des propositions qu'on doit être capable de réfuter. Et ce qui est évidemment... Oui. Nous allons y revenir, mais vous connaissez la règle de l'émission. L'invité propose des morceaux de musique et le premier que vous avez choisi, c'est l'histoire du soldat de Stravinsky. Nous allons l'écouter. Thank you. Bruvenogien, cette histoire du soldat de Stravinsky, une histoire pleine de tambours. Pourquoi ce choix? Bien, si vous voulez, ce choix, il a deux aspects. Un aspect de forme, évidemment, parce que c'est une musique minimaliste, si je puis dire, et en même temps hybride, c'est-à-dire qu'il mélange les différentes sources, des sources populaires, des sources classique et puis la musique sérielle, un petit peu tout ça est mélangé, et je dirais que je m'identifie assez du point de vue de la forme avec une technique de démonstration qui est plutôt hybride et qui sert de matériaux divers, et avec une orientation de pensée généralement minimaliste qui refuse la grandiloquence et qui recherche plutôt la sobriété dans l'expression. Ce qu'il y a dans cette, enfin c'était pour des raisons qui étaient plutôt contingente que Stravinsky a utilisé cette forme. Et puis pour le contenu, j'aime beaucoup cette idée d'un combat avec le démon qui se finit très mal, parce que, enfin, ou très bien, comme on le veut, parce que c'est le diable qui gagne à la fin. Et j'aime bien ce côté sarcastique qui est évidemment en rapport avec l'expérience de la maladie où on finit toujours par perdre. Alors on va y revenir, c'est le sujet de votre livre, hein, mais avant je voudrais que vous m'expliquiez ce travail que vous avez mené qui explique quelle est l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. En fait, ce livre, l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, est un recueil d'une vingtaine d'expériences de pensée. Et alors, les expériences de pensée, c'est une des techniques, une des méthodes qui est utilisée en philosophie morale. Elle consiste à élaborer des petites fictions qui ont pour but de nous mettre dans la perplexité morale. L'une de celles dont je parle, elle met en scène donc des personnes qui sont sur, enfin des êtres qui sont sur un radeau et qui risquent de couler si on se débarrasse pas de l'une d'entre elles parce que trop de poids. Trop de poids. Et en fait, il y a quatre humains et un chien. Et donc, le premier réflexe serait de demander de qui vous vous débarrassez. On présente une vignette de ce genre à différents répondants. Et la tendance générale va être de dire, on se débarrasse du chien sans y réfléchir. Ce qui exprime, au fond, une attitude spéciste. Pas l'homme le plus lourd. Alors, ça serait une des solutions, mais non, c'est pas ce que les gens disent en général. Le chien. Disant, c'est le chien. Et alors, l'expérience d'une espèce inférieure. L'expérience de pensée, elle consiste après, faut à élaborer cette petite histoire en mettant une histoire légèrement parallèle, c'est-à-dire en modifiant un peu une des variables pour voir si on donne toujours la même réponse. Et là, celle que j'ai introduite dans cette histoire, c'est de dire, supposons que les quatre personnes soient des nazis qui fuient l'endroit où ils ont commis des meurtres barbares, et que le chien soit un de ces chiens sauveurs qui a permis de sauver la vie d'un tas de vies humaines après un tremblement de terre. Est-ce que ça changerait quelque chose à votre façon de réfléchir? Et je laisse ça à la perplexité des lecteurs, leur demander de réfléchir à ma place, qui me repose bien. Et c'est ça que ça met dans des états de ce que vous appelez la panique morale. C'est-à-dire on n'arrive pas à trouver des critères qui résistent, qui peuvent être très différents de ceux qu'on avait imaginés pour la première possibilité, la première histoire. Le fait de changer un peu les données fait que le système moral peut s'effondrer. Alors, il y en a une des plus célèbres, c'est celle du tramway qui tue, qui est aussi construite de la même façon. On demande à des répondants d'essayer de voir s'ils feraient dans le cas où un tramway dévalerait sur une pente et le conducteur s'apercevrait qu'il n'a plus de frein et que devant lui il y a 5 ouvriers qu'il risque d'écraser s'il ne fait rien. Et mais il y a une voie de garage et il peut aussi détourner le tramway sur la voie de garage, mais il y a une personne qui s'y trouve, un ouvrier aussi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et là aussi, la première réponse est aussi assez systématique. Il faut qu'il détourne vers la voie où il n'y a qu'une personne, plutôt que de tuer les 5. On introduit une toute petite modification. On imagine qu'on est sur un pont avec une personne très très grosse, très lourde, qui, si on la jetait sur la voie, permettrait d'arrêter le train aussi. Et alors, on hésite un peu, puis finalement, on le fait, on le jette sur la voie, et on demande aux gens, est-ce que c'est moral ce qu'il a fait? Est-ce que c'est permis de faire ça? Les gens disent non. Alors, on leur dit, mais écoutez, c'est exactement la même chose, vous tuez une personne pour en sauver 5, où est la différence? Et là aussi, un tas d'expériences sont faites, un tas de réflexions sont déclenchées par ce rapport entre les deux petites histoires. Donc il a suffi de modifier une des variables pour nous plonger dans la plus grande perplexité morale. Mais c'est un peu comme en physique. Einstein, avant lui Galilée, imaginait des expériences de pensée. Il suppose qu'une théorie est vraie et il regarde quelles sont les conséquences de cette théorie dans des situations qu'on peut imaginer mais qu'on ne peut pas réaliser en laboratoire. Et ça permet de savoir ce que la théorie a dans le ventre et si elle peut résister à des expériences, entre guillemets, qui sont différentes de celles qu'on a pu réaliser jusqu'alors. Les expériences de pensée en philosophie morale, elles nous servent à savoir ce qu'il faut faire dans le monde, tandis que les expériences de pensée en physique nous servent à décrire le monde, à savoir ce que le monde est, tandis que là, moi, j'essaie de savoir ce que le monde devrait être. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, je l'ai dit en vous présentant... Non, je l'ai pas dit encore. J'ai juste donné le titre de votre livre, mais vous êtes malade, hein. Vous avez une maladie dont le nom est très très compliqué. Adénocarcinome canalaire pancréatique. J'ai pas le prononcer. Moi, je me suis entraîné pour le dire. Et ça vous inspire un livre que j'ai trouvé absolument incroyable, qui ne ressemble à aucun livre que j'ai pu lire par ailleurs. Mais Mille et une nuits, la maladie comme drame et comme comédie. Est-ce que, c'est ma première question, puisqu'on parle d'expérience de pensée, est-ce que la maladie peut être pensée comme expérience de pensée sans qu'on soit malade? Autrement dit, est-ce qu'il faut être malade pour parvenir à bien penser la maladie, ou est-ce qu'on peut n'avoir jamais été malade et comprendre ce qu'est la maladie? Alors, la maladie est une chose assez complexe. Elle a divers aspects. Elle a des aspects organiques. Elle a des aspects aussi sociaux. Et d'ailleurs, ce sont les aspects sociaux qui m'ont le plus frappé. C'est-à-dire que la condition de malade, c'est une condition dans laquelle nous avons certains droits, hein, droit à une sorte d'assistance des autres personnes qui ne sont pas, mais où nous avons aussi certains devoirs, c'est-à-dire ne pas frauder, être certain qu'on ne pourrait pas travailler quand même, surtout dans une société productiviste comme la nôtre. Donc cet aspect des devoirs du malade et des droits du malade, c'est elle qui m'a frappé. Mais ça, c'est un des aspects de la maladie. Dans l'aspect organique, il y a l'aspect qui est recueilli par des marqueurs objectifs, comme les tests que nous faisons lorsque nous allons voir un médecin. Et puis aussi, en ce qui concerne la douleur, par exemple, par des tests subjectifs, comme si vous aviez à caractériser votre douleur sur une échelle de 1 à 10, vous vous placeriez où? Ou là, c'est le patient lui-même qui doit répondre. Alors, sur cet aspect-là, qui est l'aspect subjectif de la maladie, qui n'est ni l'aspect spécialement organique au sens où il est beaucoup plus large, ni l'aspect social. Je crois que là, de la même façon qu'un aveugle aurait du mal à pouvoir se faire une représentation claire des couleurs, je crois que pour cet aspect, il est assez difficile de savoir quelque chose de la maladie sans en avoir l'expérience. Mais il y a tellement d'aspects qu'on peut connaître beaucoup de la maladie sans en faire l'expérience. Et vous dites que dans le livre, vous dites que vous n'avez jamais été malade avant de tomber malade, cette fois-là. Mais est-ce que vous aviez pensé la maladie? Est-ce que vous y avez pensé par le biais des proches qui, autour de vous, pouvaient être atteints de maladie? Certainement, mon amie avait été... D'ailleurs, j'ai pris le relais. Elle avait aussi cette maladie, enfin, qui portait sur d'autres organes. J'en ai fait des preuves auprès des autres. Et c'est de là, je crois, que l'une des choses les plus importantes que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est la différence entre notre rapport à notre propre souffrance et notre rapport à la souffrance des autres. J'essaie tout au long du livre de dire que une des choses qui me paraît très très importante, c'est d'avoir à l'égard de notre propre maladie une certaine distance, une certaine ironie, pas passer notre temps à faire des tragédies narcissiques, à nous plaindre devant tout le monde. En revanche, la souffrance des autres, eh bien, il faut la prendre tout à fait au sérieux et même pas essayer de la mettre en doute comme ça peut se faire, par exemple, dans ces rapports dont je vous parlais à propos de la souffrance. Donc, il y a une sorte d'asymétrie pour moi, qui est d'ailleurs assez difficile à tenir, entre le rapport à ma propre souffrance, qui est un rapport plutôt, je dirais, comique, parfois, sur le côté grotesque que je trouve quand je me trouve face à moi-même dans la maladie, et le grand sérieux dont j'essaie de faire preuve quand je suis confronté à la maladie des autres. Alors c'est un livre drôle, enfin drôle par endroits, c'est ce qui m'a le plus touché et surpris. Est-ce que vous pensez que l'humour fait partie de la pensée? Pour moi, oui. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai essayé de caractériser la différence entre la philosophie analytique et la philosophie non analytique, ou celle qu'on appelle continentale, je dirais que c'est aussi lié au rapport à l'humour. Je pense que il y a toute un pan de la philosophie qui considère que on ne peut pas écrire des choses sérieuses si on n'a pas l'esprit de sérieux, si on ne se prend pas au sérieux, si on n'écrit pas sérieusement de façon grandiloquente. Je préfère ne pas en donner, mais enfin, ils sont pas difficiles à trouver. En revanche, je crois que dans la philosophie analytique, si on la fait remonter au moins à Lewis Carroll, comme j'essaye de le faire, je dirais en gros que je préfère quand même Lewis Carroll à Heidegger, puisque vous me demandez des noms. Mais est-ce que la maladie est un sujet pour les philosophes? Est-ce qu'ils sont nombreux à avoir abordé cette question? Ces derniers temps, oui, parce que, enfin, je crois, hein, vous savez, je le dis à certains endroits, je suis pas philosophe de la médecine, j'essaie pas d'en faire une vocation, je crois pas que j'écrirai un autre livre sur le sujet. Mais il est certain que c'est une discipline, la philosophie de la médecine, qui, disons, depuis quand Guilhem s'est développée, et où il y a des positions de pouvoir à prendre aujourd'hui, avec le développement des comités consultatifs nationaux d'éthique, avec des chaires d'éthique à l'instance des médecins qui pullulent un peu partout. Je crois que c'est une discipline qui a certainement un avenir. D'autant que les postes dans les canaux traditionnels sont de plus en plus restreints aujourd'hui. Donc je me permettrai de faire une prédiction sur le bel avenir de la philosophie de la médecine et de la maladie. Mais si je puis me permettre une remarque, Ruben Auger, il me semble qu'il y a une contradiction dans votre livre. Parce que c'est un livre contre le dolorisme. Le dolorisme, c'est l'idée que la souffrance nous enseigne des choses. Il y a, je crois, un vieil adage grec qui dit cela. Bon, aujourd'hui, j'en suis plus tout à fait sûr, après vous avoir lu, mais il me semble qu'en même temps que cette maladie vous apprend des choses. Ça se voit d'entre... Il y a une sorte de découverte qui vous a été offerte, entre guillemets, par ce nouveau sujet d'étude, et qui a peut-être modifié tel ou tel aspect de votre philosophie antérieure. Est-ce que je me trompe? Je crois, mais je ferai peut-être une différence entre le dolorisme au sens... disons étroit, celui qui a été véhiculé depuis l'Antiquité. D'ailleurs, ce n'est pas un adage, c'est dans un vers d'Eschyle qu'on voit cette petite phrase qui dit que la souffrance enseigne. En fait, elle enseigne non pas au sens de l'apprentissage de fait, mais au sens où elle nous rendrait meilleurs moralement, au sens où elle nous rendrait plus intelligents, plus lucides sur nous-mêmes. C'est ça le dolorisme. C'est pas simplement qu'elle nous apprend quelque chose en général, c'est qu'elle nous rend plus conscients de ce qu'est la condition humaine, qu'elle élargit notre horizon de pensée, et aussi que, étant nous-mêmes victimes de la maladie, nous avons un accès plus immédiat à la maladie des autres. Donc c'est cette idée qu'elle va nous améliorer en général du point de vue moral et du point de vue épistémologique que je conteste. Pas le fait qu'elle ne, ce serait absurde de dire qu'elle ne nous apprend rien. Bien sûr qu'elle nous apprend, entre autres, les horreurs de l'hôpital. On va y revenir, mais vous dites qu'il y a un lien entre le dolorisme que vous venez de définir, et une sorte de paternalisme médical. Alors, comment ça se passe? Je ferai un lien non pas direct entre le dolorisme et le paternalisme médical, mais j'essaierai de donner la plus large dimension au dolorisme aujourd'hui, en disant que curieusement, alors que c'était une idéologie qui a été très très populaire, presque, avant la Deuxième Guerre mondiale, elle revient assez en force aujourd'hui, je crois, pour les mêmes raisons. Le dolorisme est une sorte de critique du genre de société dans laquelle on est censé vivre, c'est-à-dire une société dans laquelle nous serions tous des consommateurs frénétiques, hyper individualistes, acharnés à notre plaisir immédiat, zappeurs, etc., incapables d'avoir une conscience du temps, vivant dans une société liquide, j'en passe, parce que la littérature sur la critique de la société dite libérale, etc., n'a pas de fin, et elle est totalement répétitive. Et le dolorisme est là de cette façon, en disant, oui, ce que nous avons perdu, c'est le sens du sacrifice, c'est le sens de la souffrance et pour le bien commun. Et ça, on le voit se diffuser à une si grande vitesse dans les sociétés autoritaires, et c'est de ce point de vue que je vois aussi le paternalisme. C'est-à-dire, oui, souffre un peu, ça te fera grandir à quelque chose, malheur est bon, enfin, tout ce genre de phrases. Et évidemment, là, on pouvait croire que le paternalisme médical n'aurait pas était en train de péricliter, enfin c'est le cas, sous de nombreux aspects, il rejaillit, par exemple, sous cet aspect qui est beaucoup plus large et qui frappe toute notre société, c'est que la critique du monde dans lequel nous vivons se fait au nom d'une certaine forme de dolorisme. Notre société est malade, elle manque des preuves, c'est ça ? Elle manque des preuves. Elle doit se redresser. C'est une société dans laquelle, je dirais, nous vivons trop bien, d'une certaine façon, et elle est en pleine déconfiture maintenant, parce que nous avons perdu le sens de la souffrance et le sens du sacrifice au bénéfice du bien commun pour ne plus penser qu'à nous-mêmes. Arrive le moment du deuxième morceau de musique que vous souhaitez nous faire entendre. Il s'agit de Leonard Cohen, Traveling Light. It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Good night, my fallen star. I guess you're right, always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Un Traveling Light de Leonard Cohen. Traveling Light, c'est un pléonasme pour un physicien. La lumière est toujours en mouvement. J'ai choisi ce titre dans le dernier CD de Leonard Cohen, alors que je trouvais que le premier aurait été plus adapté à notre conversation. Je le trouvais trop dramatique, le premier. Donc j'ai pris celui-là qui me paraissait un petit peu plus léger. Mais en l'écoutant maintenant, je m'aperçois qu'il est aussi extrêmement lourd. Enfin, les conditions dans lesquelles ce CD, enfin cette musique a été faite, correspond un peu aussi au sentiment que je voulais exprimer dans le livre. Alors le sous-titre de votre livre, Ruben Ogier, c'est « La maladie comme drame », ça on comprend bien, et comme comédie. Oui, ça. Qu'est-ce qui relève de la comédie dans la maladie ? Je trouve que dans la maladie, on a tendance à oublier tout le caractère de bouffonnerie sociale que représente le rapport avec tout l'encadrement, le personnel hospitalier, les amis, etc. Le rôle social du malade, celui que nous avons à jouer et qui est comme une partie de la composition que nous devons faire avec nos proches, avec le personnel médical, etc., comme si c'était une partition qui était écrite d'avance et à laquelle nous devons obéir d'une certaine façon. Donc ce côté un peu de rôle social du malade, c'est celui que j'essaie d'exprimer en disant qu'il y a une partie qui relève non pas de la tragédie personnelle, mais d'une comédie sociale que nous sommes obligés de jouer avec notre environnement, d'abord pour nous faire reconnaître comme malade. Vrai malade et non simulateur. Vrai malade, et oui, non. Et pas comme fraudeur, assisté, etc. Ça vous le dites de façon très drôle, mais vous parlez aussi d'une cruauté sociale qui s'exerce contre les malades. Une des raisons pour laquelle j'ai fait référence au milieu de nuit de Scheherazade, c'était ce sentiment que j'ai eu un jour, en me rendant à une de ces visites de contrôle, que si je ne faisais pas bonne figure, j'imaginais un monde dans lequel, si quelqu'un se comportait pas comme un bon patient, docile, peu agressif, obéissant, reconnaissant la compétence des médecins, etc., il pourrait interrompre le traitement. C'était juste une fantaisie un peu paranoïaque, mais je me suis dit que dans ce cas-là, j'étais un peu dans la position de Scheherazade, qui était obligé de séduire le roi pour continuer à vivre et de pouvoir le séduire suffisamment longtemps pour vivre assez longtemps. Donc j'imaginais même des moments où, pour des raisons budgétaires ou autres, on pourrait décider simplement d'interrompre le traitement. Donc la dépendance de ma vie à l'égard de ceux qui s'occupent de moi m'était devenue très très forte, et c'est là que j'ai pensé que j'étais un peu comme un déchet social, c'est-à-dire que le fait que je ne sois pas considéré comme un individu superflu, un peu comme un réfugié qui vient de nulle part, comme un chômeur âgé qui n'a plus aucune chance. Ça veut dire que la maladie vous ontologise comme malade ? Vous n'êtes plus qu'un malade ? Et plus un philosophe ? Le fait que vous soyez philosophe et qui est connu, je pense, des médecins, est-ce que ça change le rapport qu'ils ont avec vous ? La raison pour laquelle il me semble que certains grands intellectuels extrêmement respectés ont préféré ne pas parler de leur maladie, c'est parce qu'ils savaient très bien que la maladie est une étiquette envahissante et que toutes les autres caractéristiques sociales perdent leur pertinence une fois que vous êtes malade. Par exemple, Suzanne Sontag aussi, elle a eu peur, bien qu'on en ait parlé, mais de son expérience personnelle, non, parce qu'à ce moment-là, toutes les autres qualités, elles sont dissoutes dans le simple fait que vous êtes malade. Le rapport que les gens ont à votre égard est toujours, si vous voulez, médié par l'étiquette qu'ils vous ont placée à un moment, qui est celle du malade, je dirais que celle de pauvre, est aussi envahissante. Il y en a d'autres, évidemment, d'autres étiquettes sociales, alors que nous sommes des êtres qui avons plusieurs définitions sociales. Il y en a une d'un coup qui prend le pas sur les autres et qui nous empêche de jouer aussi avec les différentes labels qu'on pourrait recevoir. Alors justement, il y a eu un jour où on vous a annoncé que vous étiez malade, atteint de cette maladie dont j'ai donné le nom tout à l'heure, que je ne vais pas répéter parce que j'ai peur de bafouiller, enfin c'est une forme de cancer. Et il y a des experts autoproclamés en gestion des mauvaises nouvelles qui ont décrit 5 stades successifs qui marquent la façon dont on accueille la mauvaise nouvelle. Alors je résume, il y a le déni, la colère, le marchandage, on promet aux médecins de faire tout ce qu'ils demandent, et même plus, la dépression, et puis l'acceptation. Et vous qui êtes passé par là, vous dites ça tient pas, ça, c'est pas du tout successif. Il est vrai que je suis tombé par hasard sur un épisode du Dr House, et quand il écrit ses 5 stades sur son tableau, il dit c'est des conneries New Age, et j'ai plutôt tendance à partager ce point de vue. Elle donne une image des émotions qui est beaucoup trop figée. Elle donne on dirait aussi de la mécanique des fluides presque, des étapes. Des barrages, et puis ça coule, et puis on accepte. Oui, c'est ça. Mais là, évidemment, quand on s'intéresse aux émotions, on sait qu'il y a des méta-émotions, c'est-à-dire des émotions sur les émotions, tout se mélange un peu. On peut, par exemple, avoir honte et avoir honte d'avoir honte. Et tout ça échappe complètement à cette classification qui semble relever plutôt, on dirait, d'une de ces questionnaires fermés dans lesquels on doit cocher des cases, et évidemment pas du tout attentif à la dynamique des émotions, à la complexité de ce qu'on ressent, qui est toujours assez mixte. Rien ne nous interdit d'éprouver à la fois de la colère et du déni en même temps. Et ça, ça semble exclu. D'un autre côté, je leur fais un mauvais procès parce qu'ils ont admis eux-mêmes que c'était une classification idéale et que les gens ne passaient pas tous par ces stades. Et vous que... ne vous sentez pas coupable de ne pas avoir suivi l'ordre établi, si j'ose dire, par ces experts? Moi, j'ai eu, le, si vous voulez, le sentiment de... au début, d'être un peu indifférent, de regarder ça plutôt de loin. Et après, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas le seul, que c'était une réaction assez... je trouvais que c'était plutôt vexant. Je croyais que j'avais réagi avec stoïcisme, en étant un peu indifférent à la nouvelle. Et puis après, moi, ça a été un des effets de cette classification quand j'ai lu les textes qui portaient sur ce sujet. Donc j'ai vu que j'étais vraiment pas le seul à avoir cette réaction. Vous citez Kafka, les bien portants font fuir les malades. Oui. Phrase étonnante, oui, qu'on devrait lire à l'envers. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous dire, je crois que j'ai pas très bien compris ce que ça signifiait, que les bien portants font fuir les malades. On pourrait dire peut-être sont-ils jaloux ou d'autres choses, mais je crois pas qu'on doit lui attribuer des pensées aussi simplistes. Je laisse ouvert le texte, d'ailleurs je commente le deuxième et pas le premier. Mais vous êtes malade et est-ce que vous avez envie de voir des malades ou est-ce qu'au contraire vous préférez voir des gens bien portants? Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est... On a les deux sentiments, je dirais. C'est ça, le règne de l'ambivalence, tout ce qu'on peut éprouver. C'est-à-dire qu'à la fois, je peux éprouver une compassion comme j'en ai jamais éprouvé pour des gens qui se retrouvent dans cette condition. Et en même temps, il est vrai que je ne veux avoir aucun commerce avec eux. Quand je me retrouve en salle d'attente, je ne sais pas d'échanger, je ne me vois pas dans les personnes, les atteintes du cancer anonymes, tout ça, parler tout ça, ça me répugne complètement. Mais ça tient peut-être au fait beaucoup plus général que je n'ai jamais aimé les collectifs de ce genre. Donc j'ai une réaction ambiguë, à la fois beaucoup plus de sentiments de compassion, ça m'arrive, mais aussi beaucoup de colère et aussi beaucoup de désir de fuir tout ça, de ne rien avoir avec tout ce que cela représente. Ah, c'est une maladie chronique? C'est ce qu'on appelle une maladie chronique. Ça va avec le temps. Est-ce que votre rapport au temps est modifié par la maladie? J'imagine que oui, il y a toutes sortes de protocoles qui imposent des tempos particuliers. Bien sûr. Mais est-ce que ça donne... par exemple, une attention au présent plus grande, ou au contraire, on se détache de la temporalité immédiate? J'ai associé la maladie chronique à la maladie chronophage. Elle prend beaucoup de temps parce que il faut gérer cette maladie. Et évidemment, le premier mouvement quand j'ai voulu écrire ce livre, c'était de parler de la maladie sans métaphysique, mais plutôt parler de ces choses très terre à terre, comme le fait d'arriver à gérer la prise de médicaments, puisque il y a toute une partie maintenant des soins qu'on fait soi-même et à domicile. Hein. C'est une des implications du développement des maladies chroniques. Donc une partie de notre temps, mais au sens matériel, si vous voulez, qui est complètement accaparé, ça devient une sorte de métier. Oui, vous dites d'être malade. Être malade est en train de devenir mon vrai métier, mais j'aimerais bien être licencié. Et ça, c'est vrai, je vous assure. Mais c'est vraiment un métier, donc. Je pense que c'est une façon de le voir aussi. Vous voyez, j'essaye de... Il y a différentes façons de voir la maladie. Il y a toutes sortes de métaphores, la bataille, le combattant héroïque, etc. Mais c'est plutôt des images militaires que des images professionnelles. C'est plutôt ainsi que je la vois. Il y a beaucoup de travail et d'organisation de la vie quotidienne. Et de ce point de vue, elle est chronophage. Est-ce que ça change, comme vous me le demandez, le rapport au temps en général? Comme certains de nos grands philosophes, je ne sais pas très bien ce qu'est le temps. Le temps, dans un autre sens que le temps matériel d'une journée, je dirais... Le rapport au présent, disons. Oui. À ce qui est présent. Une plus grande attention... Non, j'ai pas cette sensation que... Si vous voulez dire, par exemple, que j'ai le sentiment que la vie est plus courte, mais vous voyez, j'ai une tendance à rabattre à chaque fois sur des choses qui sont extrêmement terre à terre, les grandes catégories philosophiques. Vous ne trouverez pas, malheureusement, chez moi, une réflexion profonde sur le temps dans la lignée des Augustins et autres. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. La maladie se niche dans les détails, dites-vous. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est lorsque Christopher Hitchens, dont j'ai beaucoup aimé le livre, parle du matin où en se rasant, il s'aperçoit qu'il n'a plus de poils et oui, qu'il commence drôle, à ressembler ça. À une enfin bon, quelqu'un de qui a perdu tout son charme sexuel, etc. C'est ce genre de détails dont on prend conscience au fur et à mesure du développement de la maladie, dont on n'avait aucune idée auparavant. Le fait, par exemple, qu'on perd des poils dans le nez, qu'il commence à couler, etc. Enfin, ce genre de choses-là, qui s'y attendrait? Et c'est ça que j'entends par la maladie se niche dans les détails. Elle nous met face à des choses qui sont peut-être pas, mortelles, mais qui modifient un petit peu notre rapport à notre propre corps, notre rapport à notre environnement et puis à notre vie quotidienne. Et les maladies n'ont pas toutes le même prestige? Vous dites il n'y a pas de montagne magique pour les cancéreux. Non, ça fait partie d'une chose sur laquelle j'essaye d'insister, sur le fait que le cancer semble faire partie encore de ces maladies honteuses dont on ne peut pas parler, dont les médecins parlent sans vraiment vouloir prononcer le nom, dont le mot répand la terreur. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que le cancer est une maladie contagieuse. Donc il y a beaucoup de, ils font pas beaucoup d'efforts de fact-checking pour savoir ce qu'il en est. Donc c'est certainement une maladie. Alors une des raisons pour lesquelles elle peut avoir ce caractère, c'est parce qu'on n'en connaît pas vraiment les causes pour l'instant. De ce fait, elle est une source d'interrogation, de mystère, d'énigme. C'est possible, mais au fur et à mesure qu'on la comprendra mieux, il est possible que toute la métaphorisation, comme dit Suzanne Sontag, autour d'elle tombera. Mais est-ce que c'est vrai qu'on ment plus aux cancéreux qu'aux cardiaques? Est-ce que c'est une maladie dont il est plus difficile de parler directement aux malades que d'autres symptômes, d'autres maladies qui sont peut-être plus simples à dire? Par chance, je ne les ai pas toutes, alors je n'ai pas fait de tests comparatifs, mais ce que nous dit la sociologie de la maladie, c'est qu'en effet, en ce qui concerne des maladies qui sont beaucoup plus, au moins autant mortelles que le cancer, tout ce côté mensonge, caché, ne pas employer le vocabulaire technique ou le vocabulaire non technique n'existe pas ou n'existe pas de la même manière. Vous vous définissez comme un malade à perpétuité. Est-ce que la maladie rapproche de la condition carcérale? Ça, c'est la première question. Il y en a une deuxième, c'est est-ce que vous n'avez pas confiance dans les travaux de recherche qui peut-être vous permettra un jour de guérir? En ce qui concerne le carcéral, j'ai fait appel à un certain moment à la notion d'institution totalitaire que j'ai empruntée à Goffman, qui, c'est pas au sens politique du terme, l'institution totalitaire, mais simplement dans ce sens où différentes institutions qui ont comme caractéristique d'être coupées du monde extérieur, même par des barrières physiques comme un mur, un grillage, etc., ont tendance à développer le même genre de rapport à ce qu'on peut appeler les reclus. Et ça vaut aussi bien pour les prisons que pour les couvents, que pour les maisons de retraite, que pour les hôpitaux. Et elle se caractérise par des rituels de mortification, de dépersonnalisation à l'entrée, comme le fait de couper les cheveux, de donner un numéro, un code barre, etc. Une carte vitale. Carte vitale, d'habiller tout le monde de la même manière avec ce vêtement qui ressemble à un bavoir géant. Et si j'ai bien compris, on va essayer de changer d'ailleurs. J'ai lu qu'on va peut-être enfin donner aux patients, aux malades, des habits un peu comme tout le monde, un pyjama qui se ferme devant et pas derrière. Et donc, aussi la condescendance du personnel et le fait que le personnel ne veut en aucun cas être identifié aux patients, ce qui crée de nombreux conflits. Tout ça, on le voit dans des institutions comme la prison aussi. Et de ce point de vue, il y a certainement des rapports. Vous voulez dire que les gardiens se comportent comme s'ils étaient sûrs de ne jamais aller en prison et les médecins se comportent comme s'ils étaient sûrs de ne jamais tomber malade? La raison pour laquelle ils font preuve de ce que j'appelle l'empathie sélective, c'est que ils ont tendance à se sentir plus proche de ceux dans la condition desquels ils pourraient se trouver. C'est pour ça que la brutalité du rapport avec les malades mentaux, d'après la théorie de l'empathie sélective, est plus faible qu'avec les malades physiques, parce que on peut avoir l'impression que les probabilités qu'on tombe qu'on soit malade mental sont plus faibles que celles d'avoir une grippe ou d'avoir une jambe cassée. Et donc, on peut s'identifier plus facilement, on peut se dire, nous aussi, il nous arrivera d'avoir une maladie physique, mais il ne nous arrivera pas d'être dingue comme ça. Et donc, ça pourrait expliquer ce phénomène d'empathie sélective, la brutalité à l'égard des patients dits malades mentaux. Alors, votre expérience de la maladie vous fait dire que la souffrance physique n'est ni nécessaire ni suffisante. Est-ce qu'elle est évitable ? La souffrance physique, est-ce qu'on peut imaginer une vie sans souffrance physique ? Ah, je pensais pour la maladie, c'est-à-dire qu'on peut envisager des maladies dans lesquelles la souffrance, d'ailleurs, il y a beaucoup les stades de l'apparition du cancer dans lesquels on ne souffre pas, d'ailleurs, et d'autres maladies comme une rage de dents qui nous font énormément souffrir, alors que ce ne sont pas des atteintes vitales. Mais ça, c'est vraiment un cliché de la philosophie de la médecine, le rapport. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt le fait que la maladie a des causes, et des causes physiques, qu'on n'arrive pas toujours à identifier, mais n'a pas de raison, au sens où on n'a pas de justification morale, et c'est ça le sens principal l'idée que la maladie, elle n'a pas de justification morale, et donc l'idée principale, elle est là dans le livre. Alors j'ai vu dans le Canard enchaîné qu'il considérait que c'était pour moi un aveu d'athéisme. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais probablement ça doit être. C'est peut-être le cas. Je ne trouve pas de justification morale à la maladie, c'est-à-dire rédemption, révélation, péché, etc. Mais ce qui n'empêche évidemment, je suis bien conscient du fait qu'elle a des causes. Alors la question de savoir quelle est la différence entre les causes et les raisons est une question épistémologique extrêmement complexe dans laquelle j'espère que nous n'allons pas... Non, parce que c'est le moment d'écouter le troisième morceau de musique. Vous avez choisi « Mon ami la rose » par Natacha Atlas. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Thank you. chanson à succès parmi nos invités, vous êtes le deuxième à l'avoir choisi. Parce qu'elle est belle simplement, ou il y a d'autres raisons? En fait, c'est que, après avoir choisi l'histoire du soldat et la chanson de Leonard Cohen, je me suis dit, je vais mettre quelque chose d'un peu plus gai et quelque chose qui ait une légère saveur orientale pour mes mille et une nuits. Et en fait, en l'écoutant attentivement, je me suis rendu compte que c'est une chanson extrêmement nostalgique, extrêmement triste. Mais bon, d'une certaine façon, j'étais déjà presque trop tard. Et donc, je l'ai gardée. Mais évidemment, je trouve qu'elle est très belle. Je ne suis pas étonné qu'elle fasse un succès dans votre émission. Alors, je m'excuse auprès de vous. Je vais citer deux philosophes non analytiques. Le premier, c'est Nietzsche, dont vous vous moquez assez drôlement. Quand il dit « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts », vous dites que ce n'est pas vrai. Du point de vue factuel, non. Ça dépend quel est le statut qu'on donne à cette proposition. Soit on dit que c'est une proposition de fait qu'on pourrait vérifier empiriquement. C'est-à-dire on prendrait tout un ensemble de gens qui ont une certaine maladie, qui les tuent pas, et on trouvera des critères pour savoir si ça les rend plus forts. Dans ce cas-là, c'est absurde d'en faire une généralité. Maintenant, ça peut vouloir dire autre chose. J'espère que Nietzsche veut dire autre chose que ça. Que si on faisait une enquête psychologique ou sociologique, on verrait que ça nous rend en effet fait plus fort. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est plutôt une phrase qui est une phrase à vocation thérapeutique. C'est plutôt quelque chose qui veut dire rayer cette illusion, et ça vous aiderait peut-être à avoir une vie meilleure ou quelque chose de ce genre-là. En tout cas, c'est dans ce sens-là que j'ai tiré la phrase pour pas la laisser au statut de proposition empirique qui est fausse de façon vie. Voilà. Alors, le second philosophe, c'est Spinoza, qui écrit « Que peut le corps ?» Enfin, il se pose la question « Que peut le corps ?» dans l'éthique, et il dit « On ne sait pas, parce que la séparation entre les deux n'est pas nette, c'est pas comme chez Descartes. Mm. » Et Deleuze a commenté ce texte de Spinoza en disant « Ce que peut ton corps, cela n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux toi. » Et donc, est-ce que, en tant que malade, parce que moi j'ai l'impression que la phrase de Deleuze concerne plutôt les bien portants, est-ce qu'un malade peut aussi la faire sienne? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que votre maladie est quelque chose que vous pouvez dominer par l'esprit, par la volonté, par le déni ou par le mépris? Ou est-ce que ça s'impose à vous à tout moment? Est-ce que vous avez une... Vous avez l'air en pleine forme. On a gambadé ensemble dans les couloirs de Radio France à grande vitesse. Donc, on a l'impression que la maladie est périphérique. Dans... Alors, peut-être que j'essaie de faire semblant. Je comprends ce que ça veut dire, mais j'espère que je comprends, mais j'ai l'impression que j'aurais plus confiance certainement dans la médecine basée sur des faits ou que dans les pouvoirs de mon esprit. Mais maintenant, évidemment, je n'ai pas fait dans ce livre, je me suis pas intéressé à des questions métaphysiques comme les rapports de l'âme et du corps, sauf à la fin, dans cette phrase de Proust, où je me suis demandé s'il y avait pas ce dualisme du corps et de l'esprit, puisqu'il arrive à voir son corps complètement dehors de lui, et j'ai ajouté cette idée d'un dualisme moraliste, c'est-à-dire d'un dualisme dans lequel le corps serait non seulement distinct par ses propriétés de l'esprit, mais serait aussi un ennemi de l'esprit, donc aussi dans une certaine tradition. Et ça, je laisse, disons, à Proust et à ses métaphores, le fait de penser à une idée comme celle d'un dualisme moraliste. Moi, j'en ai plutôt gardé simplement cette idée un peu brutale, qui est celle que la souffrance a des causes, mais n'a aucune raison. Enfin, quand on vous voit et quand on vous entend, on a l'impression que vous n'êtes pas votre corps. D'une certaine façon, quand je regarde mon corps, et si c'est vrai ce que vous dites, je me dis tant mieux. Est-ce que ce livre qui raconte votre expérience de la maladie racontée par un philosophe touche les autres malades? Est-ce qu'ils vous ont lu? Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que c'est une façon de penser la maladie qui est partageable? Alors, qui est universelle même? Ce que j'espère, si vous voulez, c'est que pour la première fois, ça m'a beaucoup coûté. J'ai parlé un peu de moi, alors que j'essaye de faire attention à pas parler trop de moi-même, ou même pas du tout dans mes livres. Cette fois-ci, je l'ai fait. Et l'une des raisons, c'est que je croyais que un des moyens d'arriver à l'universel, c'était simplement de livrer mon expérience assez brute, et en me disant que si un lecteur s'y reconnaît, puis deux, puis trois, puis d'autres, j'atteindrai à l'universel par le biais des réactions des lecteurs s'ils s'y reconnaissent. Et il y a aussi un petit côté militant chez vous. Il y a des pages militantes. Il y en a sur ça en particulier. De critique du système. Il faut pas prendre le cancer comme une maladie honteuse, il faut pas avoir honte et pas la cacher à tout prix. Si on veut le cacher, on peut le faire, bien sûr. Je vais pas avoir faire la police du langage pour ça. Mais d'un autre côté, je pense que c'est le seul point de vue un peu militant que j'ai dedans. Et de ce point de vue, j'ai reçu en effet un peu de soutien. Oui, il faut faire en sorte que ça soit plus considéré comme quelque chose qu'on a honte d'avouer. Merci à vous, Ruben Augien, d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous pour toutes vos questions. C'était un moment délicieux, j'aurais aimé le prolonger, mais voilà, l'heure a passé. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Édouard Rubinstein et à la réalisation François Connac.